l'exploration du monde scout. Un programme hebdomadaire pour vous donner des réalités, nouvelles et expériences sur le scoutisme. Salut auditrices et auditeurs, c'est encore une fois le moment de votre émission hebdomadaire « Exploration du monde scout ». Dans le studio, je suis avec mes amis et co-présentateurs Priska Muksa et Thierry Kimpiatou. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons avec un proverbe d'Etswana. Il dit « Si tu t'es fait du mal, ne te retourne pas pour dire « ils m'ont ensorcelé ». Thierry, est-ce qu'il y a une leçon que ce proverbe nous enseigne ? Oui, il y en a. La leçon est que nous devons être responsables de ce que nous faisons. Nous ne devons pas rejeter la responsabilité de nos fautes sur les autres. Ça, c'est très bon, Thierry. En fait, le scoutisme insiste sur la même chose, la responsabilité. Les scouts apprennent à assumer la responsabilité de leurs actions. Yo! Aujourd'hui, nous allons voir comment lancer une unité scout. Mais avant d'entamer ce sujet, Thierry, rappelons-nous d'avoir ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé de l'histoire du scoutisme. Nous avons dit que Baden-Powell a fondé le scoutisme il y a plus de 90 ans. Le mouvement a commencé pendant un camp scout d'essai de 20 garçons dirigés par Baden-Powell dans l'île de Brownsea en Angleterre. Dès 1910, le scoutisme est presque dans toutes les parties du monde. En 1938, Baden-Powell se retire au Kenya avec sa femme, Olav, pour y passer les derniers jours de sa vie. Pour commencer notre sujet, comment lancer une unité scout, vous devez avoir une raison valable qui vous pousse à lancer une unité scout. D'abord, identifiez votre terrain d'activité. Ensuite, demandez-vous si vous êtes équipé des idées sur le mouvement scout ou si vous comprenez bien le scoutisme. Nous devons comprendre qu'une unité scout, c'est un groupe de plus d'une patrouille. En fait, une unité complète à 4 patrouilles. Une patrouille est un groupe de 9 scouts au maximum et 4 scouts au minimum. Une patrouille complète à 8 scouts. Une patrouille est dirigée par un chef de patrouille avec l'aide d'un second. N'importe qui peut fonder une unité parce que le scoutisme est ouvert à tous. Et non parce qu'il y a un règlement à suivre et des conditions à remplir avant de fonder une unité. Par exemple, vous devez être formé comme un chef scout ou avoir quelqu'un qui est formé là-dessus. Vous devez avoir l'autorisation du commissaire régional qui supervise les activités scouts dans votre région. Vous comprenez maintenant, Thierry ? Oui, mais j'ai une autre question. Tu as dit que pour fonder une unité, il faut être équipé. Équipé dans quel sens ? Par équipé, nous voulons dire que vous devez connaître tous les principes fondamentaux du scoutisme, ses pratiques et sa méthode. Vous devez aussi apprendre le rôle d'un chef d'unité. Si vous ne pouvez pas apprendre tout ça, vous pouvez devenir un parrain, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de trouver les moyens nécessaires pour soutenir la création d'une unité. Comme ça, vous devrez trouver quelqu'un qui occupera le poste de chef d'unité, en tenant compte des conditions dont je viens de parler. Comme ça, votre unité sera utile à ses membres et efficace dans ses activités. Oh, Maintenant, en fondant une unité scout, mettez-vous en tête que dans le scoutisme, on donne plus qu'on reçoit. Donc, vous devez avoir la volonté d'être chef. Mais comme nous venons de le dire, vous devez être formé. Ceci parce que vous ne pouvez pas guider dans ce que vous ne comprenez pas vous-même. Alors, comme point de départ, vous pouvez suivre une formation introductive pour les chefs. Cette formation vous permettra de savoir comment fonder et diriger une unité scout. Où est-ce qu'on peut suivre cette formation et est-elle chère? C'est l'association scout locale ou le bureau du commissaire régional qui organise la formation introductive pour les chefs. Le siège du scoutisme peut aussi le faire. La durée dépend de la sorte de formation que vous suivez. Par exemple, la formation introductive dure une journée tandis que la formation préliminaire dure 5 jours. Un petit montant est exigé comme frais de participation. La formation des chefs vous donne une introduction sur le but, les principes et la méthode du scoutisme. Laissez-moi expliquer ceci. Le but du scoutisme est de contribuer au développement des jeunes en les aidant de réaliser de pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales, spirituelles et émotionnelles, en tant que personne, que bon citoyen et que membre des communautés locales, nationales et internationales. Souvenez-vous qu'on a parlé de ces 5 domaines dans notre première émission. Quant au principe, nous faisons allusion aux caractéristiques du scoutisme, volontaire, non politique et n'appartenant à aucune religion. C'est un mouvement éducatif pour les jeunes, ouvert à tous sans distinction d'origine, ni de race, ni de croyance. Excusez-moi, Rose. Si vous dites que le scoutisme n'appartient à aucune religion, est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences sur les croyances religieuses des scouts? Non, pas du tout. Le fait que le scoutisme n'appartient à aucune religion signifie tout simplement que chaque scout respecte la religion de son collègue. L'essentiel pour un scout, c'est croire en Dieu qui est suprême. Peu importe si tu es hindou, je suis chrétienne et Prisca est musulmane. Tu es scout et ton devoir envers Dieu est primordial. Autrement dit, Thierry, personne n'impose à l'autre ses croyances religieuses. Nous encourageons chaque scout de se développer en ce qui concerne sa croyance. Malgré nos différentes croyances, nous sommes tous frères et sœurs dans le scoutisme. D'accord. Nous avons dit avant que le scoutisme a une méthode. Voyons cette méthode. La méthode scout est un système d'auto-éducation progressive fondé sur 7 éléments, notamment loi et promesse, éducation par action, vie en petit groupe, vie dans la nature, cadre symbolique, relation adulte-jeune et progression personnelle. Cette méthode est utilisée lorsqu'on organise les programmes de différentes activités fondées sur les centres d'intérêt et les aspirations des jeunes. Ces activités sont entre autres des jeux, des services à la communauté, des projets de développement communautaire et l'apprentissage des techniques utiles. Ces activités se déroulent principalement en plein air, en contact avec la nature. Le scoutisme semble avoir une relation spéciale avec la nature. Est-ce qu'il y a une explication pour cela? Ça, c'est un bon constat. C'est vrai, les scouts sont des amis de la nature. Tout d'abord, le scoutisme consiste aux activités de plein air. Et d'ailleurs, l'article numéro 6 de la loi scout, dont beaucoup d'associations scouts, dit « Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il protège les plantes et les animaux. » En bref, la nature représente 3 choses pour un scout. C'est un club où l'on s'amuse d'une manière appréciable, C'est aussi un laboratoire où l'on fait des expériences et l'on apprend beaucoup de choses. Enfin, c'est un temple, l'un des meilleurs endroits où l'on peut se sentir près de Dieu, sentir sa présence et glorifier ses miracles. Mais c'est vraiment sensationnel. Je deviens de plus en plus intéressé au scoutisme. Enfin, chers amis, nous devons nous arrêter ici. Tiens, c'est très vite. Souvent, on dit que les bonnes choses ne durent pas. Nous reviendrons la semaine prochaine. Mais avant de quitter, voici la réponse de la question de la dernière semaine. La question était... Qu'est-ce que les scouts célèbrent le 22 février? Le 22 février, les scouts célèbrent l'anniversaire du fondateur qui est aussi l'anniversaire d'Olaf Baden-Powell. Avez-vous répondu juste à la question? Voici maintenant la question pour cette semaine. Quel est l'autre nom du conseil des chefs de patrouille? Quelles sont ses fonctions? Je répète, quel est l'autre nom du conseil des chefs de patrouille? Quelles sont ses fonctions? Envoyez la réponse, commentaires et questions sur le scoutisme sur cette adresse. Le réalisateur, Radio Scout Africaine, PO Box 63070, Nairobi, Kenya. Email scoutradio@africa.scout.org. Je répète, le réalisateur, Radio Scout Africaine, PO Box 63070, Nairobi, Kenya. Email scoutradio@africa.scout.org. Les 10 premières personnes avec des réponses correctes recevront un cadeau du Bureau mondial du scoutisme, Bureau régional africain Nairobi, Kenya. Ce programme a été écrit et réalisé par le Bureau mondial du scoutisme, Bureau régional africain en collaboration avec Africa Radio Service, New People Media Center, Nairobi, Kenya. Cette émission vous a été présentée par Priska Mukusa, Thierry Kimpiatou et moi Lila Rissa. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine fois. Ciao.